On va parler avec notre ami Tony Guzzo du site internet lebitsnfl.com, la référence, une des références de la NFL au Québec. Ils sont de plus en plus sollicités. Salut Tony. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Tony, on va se parler avant de commencer parler des matchs de fin de semaine. On va parler de l'actualité dans la NFL. Antonio Brown, le roman Antonio Brown, c'est un roman savant, on se poursuit. Le gars, a été libéré par... on va recommencer du début jusqu'à la dernière fois qu'on s'est parlé. Il s'excuse. Et par la suite, le lendemain, le samedi matin, il demande aux Raiders de le libérer. Les Raiders acceptent voir la demande d'Antonio Brown. Quelques heures après, 4 heures après, il signe avec les Pats. Là, arrive 2 jours après avec les Pats, accusé de viol. Hier, finalement, il a donné sa première pratique. Il a fait sa première pratique avec les Pats. Comment tu vois tout ça? Moi quelque part, là, je suis un grand partisan des Pats. Le partisan des Pats se réjouit, il en revient pas encore de celle-là. Mais l'analyste ou encore le gars de sport dit ça n'a pas de sens ce qui se passe. Puis à quelque part, il faut que la NFL devrait enquêter. Parce que selon ESPN, il aurait engagé c'est Chris Mortensen, c'est quand même pas un insider, c'est quand même pas le dernier venu, là. Il mentionne qu'il avait demandé il avait engagé des gens pour s'occuper des médias sociaux, pour savoir comment mettre le bordel dans une équipe sur les médias sociaux. Et donc tout ça semblait stagé selon Chris Mortensen. Si c'est vrai, pourquoi la NFL n'a pas enquêté? Je veux dire, si c'est vrai... Je trouve ça déplorable. La NFL est un peu mélangée parce que là, il y a une autre affaire à enquêter, c'est l'accusation de viol et d'agression sexuelle. Là, mais pour avoir engagé du monde, c'est incroyable. Puis là, je me demande jusqu'à quel point, puis quand même, l'embauche avec les Pats a été quand même rapide. C'est ça, je trouve ça louche, moi, théorie, quelque part. Là, il y a la théorie, mais en tout cas, c'est ton équipe, Danny, les Pats. Oui, c'est une équipe, mais je suis capable de voir clair toujours, pareil. Là. Je suis pas un fan. C'est sûr, mais il y a toujours quelque chose là avec les Pats, puis quelque chose de pas louche. Mais en tout cas, j'ai... Je suis pas un fan. Je suis un grand partisan des Pats, mais je suis pas un fan. Non, je sais. Je comprends. Je te blague un peu, Danny, tu le sais. Puis, en tout cas, on peut retourner en arrière, mais juste pour te dire, les Pats, il faut leur donner ça. Eux autres, leur business, c'est faut gagner. Mais là, le timing... en tout cas, je pense que Bill Belichick puis Robert Kraft sont pas très très contents aujourd'hui avec les accusations. J'ai écouté la conférence de presse de Bill Belichick hier. En tout cas, comme dans tout, il a pas dit grand chose, mais il a dit quelque chose qui c'est très important. C'est un jour à la fois. Donc, ils vont laisser le temps pour voir comment la NFL va réagir. C'est sûr que s'il est prêt, c'est un homme de football, il est très bon, il est prêt à jouer, il va aider l'équipe, sauf que je pense que Bill Belichick va aussi évaluer est-ce que je vais l'amener à Miami, parce que ça sera pas un gros, entre moi et toi, contre Miami, il n'y a pas besoin d'Antonio Brown, donc ça va être très intéressant à voir à ce niveau-là, mais pour revenir en arrière, là, c'est incroyable, mais les Pats, Bill, tu sais, on le compare à Randy Moss. C'est un contrat d'un an, tu sais, je veux dire. Je pense qu'à quelque part, il n'y a pas. Je me trompe, mais avec l'histoire de viol, tu sais, on disait c'est sa dernière chance, ainsi de suite, il faut qu'il marche douette. Puis là, il va habiter chez Tom Brady, ça c'est une autre affaire. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y avait déjà 2 prises avant cette histoire de viol-là. Puis là, je pense qu'il y a 2 prises et demie. T'es-tu d'accord avec moi? Il y a 2 prises et demie, mais il y a bien du monde dans les médias qui disent faites attention parce que c'est une accusation civile, là. C'est pas une accusation criminelle. Ouais. Parce que pour faire une histoire courte, c'est son entraîneur privé qui est une femme. Ça a l'air qu'ils ont eu des relations sexuelles consenties, là, t'sais, les deux. Mais il y a eu des textos qui sont sortis. Qu'est-ce qu'ils faisaient de pas trop correct, là, on le dira pas, là. Mais je veux dire, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vraiment dommage. Je sais pas qu'est-ce qui se passe entre ses deux oreilles présentement, on l'a dit à la dernière entrevue. Là, pour engager du monde dans les réseaux sociaux pour l'aider, en tout cas, le premier jour qu'il va poster de quoi ses réseaux sociaux en tant que Patriots, là, il va faire très attention. Puis là, il est un peu mal placé. Il semblerait que l'organisation des Pats n'était pas au courant de ça parce qu'on a eu l'entrevue de son agent de joueur, là, l'agent de joueur Drew Rosenhaus. Ouais. Donc, mais je suis d'accord avec toi, mais veux pas, tu sais, je veux dire, faut leur donner ça, les Pats, parce qu'en réalité aussi, ils l'ont engagé, c'est un excellent joueur. Tu sais, je veux dire, il peut rester sur le banc, puis en tout cas, il aidera pas d'autres équipes à gagner, il y a ça. Ouais, c'est un bon point. Mais, tu sais, faut que tu la regardes de même, mais d'un autre côté, c'est une organisation, les Pats, assez, tu sais, il y a trois mots, hein, quand tu rentres dans leurs installations, c'est « do your job ». Mais aujourd'hui, j'écoutais tout l'aspect football, ils sont là pour gagner, c'est un joueur qui va pouvoir faire gagner. Oh, il y a Vince Bond qui dit qu'il va jouer, mais pour revenir en arrière, je te dirais sur 32 équipes, ben là c'est sûr qu'il ne retourne plus chez les Steelers, il ne retourne plus chez Raiders. Là, il est avec les Pats, donc il reste 29 équipes, mais je suis pas sûr dans les 29 autres, je pense qu'ils vont attendre là, si jamais il est disponible. Parce qu'il y a du monde qui s'amuse, hein, puis des histoires dans le même, ça arrive. Hein, quand que je me demande même, moi personnellement, des fois je suis un peu je pense à tout, là, mais est-ce que ça vient même des Raiders? Est-ce que les Raiders le savaient, cette histoire-là? Tu sais, je veux dire, pour en revanche de qu'est-ce qu'il a fait envers l'équipe, tout est possible, hein. Donc je crois aussi que les Patriots essayaient de l'avoir, puis les Steelers ont tout fait pour pas l'échanger dans la même Steelers conférence. Pat, c'est quand même une grosse rivalité, là. Faut quand même c'est incroyable, en tout cas. Mais je suis d'accord, mais on devrait. C'est incroyable, là. Je suis pas sûr. La NFL va bien faire son enquête parce que ils peuvent le mettre aussi sur la liste d'exemption du commissaire, mais je pense pas qu'il va le faire tant si longtemps pour avoir plus de nouvelles. Puis la NFL va rencontrer la dame en question la semaine prochaine. Ouais. Fait que là, c'est vraiment la décision de Belichick et les dirigeants des Pats pour voir s'ils vont le faire jouer dimanche à Miami. Mais tu regardais vite, là, quand il s'entraînait, Antonio Brown, là, il est vraiment dans un autre monde là, chez les Pats, puis il est mieux faire attention. Parce que si les Pats, ils le gardent pas, je pense qu'il est rendu à 3 prises, comme tu dis. Ben non, il est à 2 prises et demie, c'est pas compliqué. L'histoire est vieille, c'est une autre affaire. Si les Pats le libèrent ou ils le coupent, là, c'est... Ben, Des Bryant, c'est la plus belle exemple. Exactement, c'est ça que je m'en allais dire. On va le comparer à Des Bryant, puis c'est vraiment malheureux avec tout ce talent-là qui se fait gaspiller, là. Mais là, les Pats, s'ils gagnent, c'est une équipe incroyable. C'est l'équipe qui peut... écoute, moi, j'ai mis les Chiefs, par contre, parce que là la prédiction est faite, fait que je peux pas faire autrement, mais là, les Pats sont vraiment... écoute, ils sont numéro un, là. Au moment où on se parle, c'est l'équipe encore qui va gagner, qui sont favoris pour le Super Bowl. Moi, j'ai mis les Chiefs, puis je demeure avec les Chiefs, parce que ma prédiction est faite, puis deuxièmement... Moi, je me dis qu'il va se passer de quoi. Ça se peut pas que cette équipe-là... Écoute, c'est la 4e année consécutive qu'il sera au Super Bowl. Là. À un moment donné, il va arriver de quoi. Là. Mais, normalement, il devrait se rendre encore et le gagner encore. Normalement. Ah, ben, ils ont bien parti. Hein. Ils ont joué tout un match. Je me demande... Peut-être que les Steelers, ils n'ont pas sorti de l'autobus, là, mais... Est-ce que c'est la meilleure équipe de l'histoire des Patriots? Moi, je la compare à celle de 2007. Je ne sais pas si tu te rappelles l'année qui est parfaite, là, puis finalement, les Giants de New York avaient battu au Super Bowl sur la trappe de David Tyree. C'est aussi fort que ça, là, actuellement. Là. Ouais, on va attendre un peu quelques semaines, Danny. Je ne suis pas sûr, d'aller jusqu'à là, parce que en termes de jeu au sol, ça a été bien ordinaire. Là. Mais Sonny Michel, ça n'a pas été fort. Moi, je pense que ça a été plus... les Patriots, sont toujours bien préparés, jouent un bon match, mais moi, je pense que c'est plus les Steelers qui ont été qui étaient pas là. OK. On va y aller maintenant avec rapidement deux, trois petites affaires que je veux te parler. Je veux te parler d'abord de tes Dolphins la semaine passée. Hey, pour que j'ose, Lamar Jackson avait de l'air de Tom Brady. Il y a un sérieux problème, là. Ça là, il y a plus de joueurs des Dolphins qui ont demandé à te changer. Tu sais, je veux dire, faut pas s'en cacher, c'est quand même des professionnels, ils vont jouer, là, mais là, c'est sûr que, veux pas, en arrière de ta tête, le joueur va faire attention pour les blessures, le joueur, faut pas s'en cacher, l'humain, il se demande, il va-tu finir l'année à Miami, parce que c'est comme une vente de feu, fait que, tu sais, un Ryan, pourquoi tu penses qu'ils sont allés chercher un Ryan Fitzpatrick, parce que le gars, il va se donner. Il va se donner parce que il a pas le choix, c'est ça sa job là. Il se promène de ville en ville, puis il va tout donner. Mais l'équipe, il y a pas d'équipe en ce moment. Puis c'est vraiment une restructuration. En tout cas pour les gens qui gagent dans les Survivors, ben tu peux gager contre les Miami à chaque fois pour gagner. Mais je pense pas qu'ils vont aller. Ils vont peut-être aller chercher une victoire ou deux. Puis là on va voir jusqu'à où la patience pour. En ce moment, ils sont pas prêts à mettre Rosen dans la mêlée parce que la ligne offensive est vraiment atroce. Puis on veut pas non plus. Tu sais, c'est un jeune corps arrière, Rosen, fait qu'on veut pas. Fitzpatrick est plus expérimenté, bouge un peu plus. Mais Rosen, d'ici, on va attendre les quatre premiers matchs. Puis, mais oui, c'est désastreux à Miami pour l'instant, mais qu'est-ce que vous voulez, au moins, moi, en tant que partisan, je suis content parce que là, ils ont vraiment une ligne de pensée, on se débarrasse des gros salaires, on en recommence à zéro, on est capable d'avoir des bons choix, puis surtout on va que, voir écoute, aussi. Ils n'ont jamais eu de corps, ils ont-tu déjà eu un bon corps majeur depuis Dan Marino? Je suis même pas non, sûr. Non. Puis Dan Marino, c'est un bout, là, puis c'est une très, très bonne récolte de carrière cette année, donc... Ça va être à surveiller. Hey, j'ai écouté le match des Raiders contre Denver. Moi, les Raiders, c'est ma deuxième équipe. Là. C'est vraiment pas loin, comme tu sais. Hey, c'est incroyable. Ces partisans-là, c'est la dernière année à Vegas, Oakland avait déménagé à Las Vegas. Ouais. Ces partisans-là, c'est des partisans en or. Écoute, c'est la dernière année, puis ça paraît pas pantoute. Normalement, dans une autre ville, là, ils auraient délaissé le stand. En tout cas, l'ambiance était incroyable. Là. Ouais, mais les fans, ils reprochent pas à l'équipe, hein. Ben, je veux dire, ils reprochent plus aux propriétaires. Puis, je pense que les fans reprochent plus aussi à la ville qui a pas réussi à négocier. Parce qu'en réalité, ils voulaient un nouveau stade, là. Tu sais, j'ai regardé lundi. Encore une fois, je peux pas croire qu'en 2019, avec tout l'argent qu'ils ont ces gens-là, ou même les villes, ou tu sais, on joue encore sur un terrain avec un terrain de baseball. Là, ça me faisait penser les Dolphins à un moment donné. Puis là, ils ont décidé que c'était fini. Là, fait que, moi, je pense que les fans des Raiders vont toujours demeurer les fans. J'ai bien hâte. C'est une question d'argent. Ils s'en vont à Vegas. Puis Vegas, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, en tout cas, en termes de marketing, il y a tellement de touristes qui vont là, tout ça. Ça va être vraiment une équipe. J'ai bien hâte de voir l'ambiance parce que je suis pas sûr que... est-ce qu'ils vont bâtir un bassin de partisans vraiment fidèles, puis avoir plus de monde que les autres équipes, parce que ça risque d'être moitié-moitié avec des fans des autres équipes quand ils vont jouer à Vegas. Ouais. Bon, les matchs à surveiller cette semaine, moi j'écoute le gros match, il est pas dur, c'est la reprise de la finale de la conférence nationale entre Nouvelle-Orléans et les Rams. Oui, tout à fait. C'est le match de la fin de semaine. Je suis surpris d'ailleurs que c'est pas le Sunday Night Football, hein? Oui, je suis surpris moi aussi, mais en tout cas, c'est deux matchs qu'on va voir. Deux équipes qui ont commencé l'année, qui marquent beaucoup de points. Il y en a encore aussi beaucoup. En tout cas, les Saints, faut leur donner une chance qu'ils ont gagné lundi soir parce que il y aurait eu encore, comment on dit ça, une crotte dans le cœur. Une crotte dans le cœur, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être intéressant à voir, mais les Saints sont en mission. Les Rams, ils ont connu un match. J'ai trouvé l'offensive un peu moyen. Même Todd Gurley n'a pas eu beaucoup de touches. Est-ce qu'il est frustré parce que là, ils sont en train de le ménager pour être capable de le garder jusqu'à la fin de saison pour pas qu'il se blesse? Ouais. Donc, en tout cas, deux attaques. Est-ce que... Je pense peut-être que la défensive des Rams va peut-être prendre le dessus, mais parce qu'ils sont à domicile. Fait, au football, j'aime quand c'est serré, j'aime donner l'avantage à ESPN, à l'équipe qui, à domicile. Je regardais chez ESPN avant de préparer la chronique, et ils mettent 59% des chances des Rams de gagner ce match-là. Ouais, ben c'est ça. Ça va être serré, puis... puis on va voir comment, parce que les Saints à l'extérieur sont plus ou moins bons, là, mais comme je te dis, je donne l'avantage à l'équipe à domicile, mais ça va être un match très intéressant à regarder. Puis la défensive des Saints a plus de trous que la défensive des Rams. L'autre match que j'aurais, ben moi je vais regarder les Pats contre les Dolphins, là, mais parce que je suis un partisan des Pats, là, puis c'est normal, mais Seattle, Pittsburgh et Minnesota Green Bay sont 2-3. Ah oui. Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi cette semaine. Ouais. Ça commence à être les Seahawks, Steelers. C'est bon ça. En tout cas, ça va être bon. Steelers, vraiment, je peux pas croire ils vont faire mieux que la semaine passée. Puis on va voir vraiment, je sais pas s'ils ont été dépassés par les événements ou là ils viennent de réaliser qu'ils ont plus Le'Veon Bell et plus Antonio Brown. Je sais pas, on dirait que en tout cas ils étaient pas prêts. Puis la semaine 1 dans la NFL, de plus en plus c'est ça. Donc là on va commencer à avoir beaucoup l'identité des équipes, parce que veux pas, là, si tu tombes à 0-2, là, tes chances de revenir vont être pas mal difficiles. Donc les Seahawks aussi, ils n'ont pas vraiment convaincu personne la semaine dernière, parce qu'ils ont quand même accordé beaucoup de points, puis ils étaient chez eux. Donc, c'est deux équipes qui, vraiment, faut qu'ils montent d'une coche. Les Steelers sont difficiles à vaincre à domicile, donc leur défensive devait être meilleure que celle des Seahawks. Je sais pas si c'est un match de 13 heures. De 13 heures, oui, c'est sur Fox à 13 heures. Ouais, c'est ça. Donc, Seattle qui traverse le pays pour jouer à 13 heures, c'est aussi difficile dans ce cas-là. Fait que, avantage pour les Steelers à ce niveau-là. Là. Et l'autre match, ben, Minnesota, c'est une vieille rivalité. Green Bay contre Minnesota, c'est une des vieilles rivalités également. Match de division, puis il faut voir aussi comment Kirk Cousins peut... C'est toujours le point d'interrogation, puis... Mais Kirk Cousins à Green Bay, on sait les Packers à domicile sont quand même forts. Mais les Vikings ont quand même bien joué, on aime bien. Ça fait 2 ans qu'on dit que c'est une équipe qui est très bon des deux côtés du ballon. Mais le point d'interrogation, c'est notre ami Kirk. Faut qu'il soit à la hauteur de la situation, puis faut qu'il démontre à tous les partisans puis à toute la communauté de la NFL que c'est un grand quart arrière. Fait que ça va être un gros match. Ça aussi, ça, j'imagine, je sais pas ESPN qu'est-ce qu'il dit là, mais les résultats sont quand même partagés. Puis encore une fois, les Packers ont été impressionnés par la défensive. Fait que là, Aaron Rodgers et l'attaque vont essayer de remercier la défensive la semaine passée pour aller gagner ce match-là. Okay. Fait que je donne beaucoup l'avantage aux équipes à domicile cette semaine. Bon. Tony Guzzo du site internet leblitznfl.com, la référence du football. On se parle bien. On se parle vendredi prochain. Parfait, Danny. Merci. Puis bon week-end à tout le monde. Donc, Tony Guzzo du site leblitznfl.com.